y a du rhum, y a du rhum, y a du rhum en gros. En 1500 quelque chose à Saint-Malo, y a du rhum, y a du rhum, y a du rhum en gros. On a flotté sur la mer, allé voir les Indiens. On a chanté des chansons qui parlaient de marins. On a vu toute la nuit jusqu'au petit matin. Mais dis-moi, dis-moi donc comment trouver mon chemin. Mais dis-moi, dis-moi donc comment trouver mon chemin. Après environ un mois et les cœurs dans la flotte. Enfin on voit un bouteille pour se mettre en dessous de nos bottes. On a aperçu des Indiens qui s'appelaient Micmac. On a encore bu du rhum en se donnant des claques. Après une semaine de beau temps à mouiller dans la baie, on a poigné des chalons, c'est même pour leur appeler. On va peut-être trouver son père, on l'a abandonné. Quand les touristes vont descendre pour aller se baigner. Quand les touristes vont descendre pour aller se baigner. Sans tourner, la tempête qui faisait rage, j'ai pas dû arrêter. On a encore pris du rhum avant de débarquer. Car ce n'est pas tous les jours qu'on passe à gaspiller. Quand on a connu, ça ne faisait pas trop confiance. Quand on a planté la pomme au nom du roi de France, il nous a conseillé au bout de la découpée. Avoir su, on serait sûrement resté à Port Daniel. Avoir su, on serait sûrement resté à Port Daniel.